évidemment, c'est David Guetta, Fred Rister et Joaquin Garro avec Love Is Gone. Et justement, puisqu'on parle d'eux, j'ai eu l'occasion de mater le clip cette semaine. C'est plutôt marrant. Ça se déroule, je crois, aux États-Unis, dans un snack, plus précisément. Mais enfin, bref, je vais pas vous en dire plus. Vous aurez bien sûr l'occasion de le découvrir, ce clip, dans les jours à venir, si ce n'est déjà fait. Le son électrochic, c'est sur Galaxy, nulle part ailleurs, avec Jess Garcia qui débarque tout de suite. Et c'est Lustral qui viendra juste après. Galaxy. Galaxy. Welcome, welcome, welcome to the world of music. Yeah. 95 instants ou www.galaxyfm.com. Si vous nous rejoignez, vous ne pouviez pas mieux tomber puisqu'on vous balance tout de suite des entrées gratos valables pour les soirées du week-end prochain. Pour jouer gagner, vous plongez maintenant sur votre téléphone et vous composez bien sûr le numéro des cadeaux 03 20 83 57 57 et nous jouerons avec le 15e appel. Ooh, my darling, I'm thinking about how my life is shaping you. Our passion, sensation, feel like I'm a different man now. Ooh, so strong, for too long I've been searching for a girl like you. Change it all, cause since I found you, really made it better. I found something better, I dreamt something better. I found something better, something better. I found something better, I dreamt something better. I found something better, something better. Something better. I'm so thankful for how. Galaxy. Galaxy. Avec Hubert. Avec Hubert. Two or three, then it's all to the day.

l'avoir lu, c'est sûr. Hein. Vous l'avez découvert ici, sur Galaxy 94 ou éventuellement sur www.galaxyfm.com. C'est DJ Rooster et Let's Fuck. Pour la suite du son, c'est Mantrix. Galaxy. Galaxy. Number one for news. For news.

Galaxy, un peu plus de 9h30. L'heure pour vous de retrouver Marbrax. Electro-vibe avec Marbrax. Galaxy 95.3. a song. Everybody wanna dance. My house.

Arrête tout et écoute. Attention, si votre femme adore le foot et encore pire, si ça lui arrive d'aller au stade de temps en temps, alors là, méfiez-vous car elle risque de rentrer un jour à la maison avec un gros ballon, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on retrouve tout de suite notre envoyé très spécial. Bonjour mademoiselle, vous êtes au courant qu'il y a un nouvel entraîneur? Voilà. Ah ouais, j'ai entendu, c'est Bourigue. Vous connaissez Bourigue? Bah ouais, il était presque. Et vous êtes contente qu'il arrive sans aller très haut? Trop contente parce que l'autre, de toute façon, l'autre il foutait plus rien. On l'aimait pas lui. On perdait avec lui. Il nous a fait rater la Coupe d'Europe. Ce connard était triste. Dès qu'il était triste, à mon avis, il devait pas faire la fête souvent. Vous allez souvent au match? On y va tout le temps, on se fait belle, je mets du mascara, je mets un jean slim. Trop bien, trop bien. Et vous êtes en quelle tribune? Bah, à la centrale, là où on est tous, hein, comme ça. Vous savez, c'est là où il y a la... Bon, il n'y a que des trompettes, j'allais dire la trompette, mais là où tout le monde est en rouge et jaune, te vois? Et là, je vois que vous êtes enceinte, vous allez quand même continuer à aller au match? Ouais, bah, tout le temps, parce que bon, bah là, faut dire ça arrivait un peu par accident, mais mon copain, il fêtait son anniversaire, donc en fait, il n'est pas venu au match. Et moi, j'ai dit, ah, moi, j'y tiens, je vais quand même aller voir le match. Et vous êtes allé avec qui? Avec mon beau-père, je suis allé avec mon beau-père au match. Et qu'est-ce qui s'est passé, hein, en fait? À la mi-temps, on perdait. Alors, ben, pour oublier, il boit. Et quand il boit, et ben voilà, c'est lui qui me l'a fait, quoi. Ben, en fait, il m'a fait une affaire et voilà, maintenant, j'ai le polichinelle dans le placard, comme on dit, hein. J'ai un alien dans le ventre, hein. Et en fait, je l'ai pas dit à mon copain, donc faut pas le dire, enfin, hein, faut garder l'anonymat parce que, hein, il croit que c'est le sien. Et en fait, c'est pas le sien, c'est ça, mon beau-père. Mais bon, quelque part, je me suis dit, quand je vais accoucher, quand le gosse il va grandir, et ben, c'est pas trop grave parce que normalement, comme ça reste dans la famille, et ben, il va ressembler un petit peu à mon copain. Enfin, c'est ce que je me suis dit en réfléchissant, quoi. Et vous avez trouvé un parrain pour l'enfant? Ouais, en fait, on avait une idée sur un joueur, puis finalement, on a réfléchi. Mais maintenant qu'on sait que c'est Bourigue, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'entraînement, on va aller le voir. Et bon, moi, de toute façon, hein, ça se voit que me le nez au milieu de la figure. Hein, et je vais lui dire, voilà, s'il veut être parrain de mon bio, quoi. Comme ça, ben, tout le monde y sera content, mon beau-père, parce que, bon, ben, lui, il sait, hein, forcément. Et ben, mon copain, lui, il croira que c'est vraiment le sien. Avec ma mère qui râle parce qu'en fait elle dit que je suis trop jeune, hein, j'ai que 16 ans, hein, enfin bon, c'est monnaie courante, hein, ma mère elle m'a eu à 15, alors du coup en fait avec toutes ces histoires, je me suis retrouvée enceinte. En fait elle veut plus que j'aille à l'aubade parce qu'elle dit qu'elle s'en doutait que ça allait se passer comme ça, parce que mon beau-père il vient toujours après l'aube, et puis elle s'est doutée qu'il y a des fois à la mi-temps quand on allait boire avec Paul à la buvette, qu'il se passait des histoires, comme elle dit. Enfin, moi, j'ai jamais voulu, quoi, mais mon beau-père, bah, il m'a mis la main sous la jupe, et puis bah, après, ça a dégénéré. Le petit mot de la fin? Bah, ah, oui, il a un sang, il est là. On est content qu'il a, hein. I vous êtes sur Galaxy 95.3, www.galaxyfm.com, c'est électrochic depuis 8h ce matin. Avant de me casser, je tiens absolument à faire un petit clin d'œil à notre grand pote Jérémy, que vous allez bien sûr retrouver dans un instant, car je ne sais pas si vous savez, mais il adore la nouvelle star qui s'est malheureusement pour lui terminée mercredi ou jeudi, je ne sais plus très bien. J'ai comme l'impression en tout cas qu'il va bien se faire chier le pauvre petit, et pour le consoler, nous lui avons calé le vainqueur de cette année, il s'appelle Julien et en plus, comme par hasard, c'est son préféré. Allez, bon week-end Jérémy, bon week-end à tous. Hubert vous dit salut et profitez-en pendant quelques minutes.